J'étais gamin, j'ai pas un, pas besoin de j'étais tout seul. Seul les qui m'a, dès le matin, j'poussais les courses. Et le soir, j'les ai coursés, j'étais prêt à tout pour m'en tirer. Toujours menti devant l'OPJ, c'est bien la squale en carrière gris. C'est bien la squale en carrière gris, quand j'parle maman, mes yeux rougissent. Avec elle, j'ouvre mes bougies. La seule qui bouge pour moi, mille fois plus forte que papa, c'est elle, l'exemple du team Ohio. Et pour grand j'ai, j'vais tout niquer, c'est pour amour qui vient de tomber. C'est si chacal, c'est la 20ème, c'est si c'est pour tout mon 20ème. Tous bloqués au 20ème, c'est que les petites bananes, hey, j'ai normal. Normal, ils sont oubliés comme dans la L, rien n'a changé 20 ans plus tard. C'est la même merde, la même galère pour les types. Et toi, t'es pas, t'es parce qu'il se passe dans nos cités. C'est pas un compte de fées, si Lou n'avait faire du blé. Il la blâme, il est pas prêt, même pas capable de payer sa taffe. Mais lui dit que sa mec a parlé, à part ça, ça voit rien. La squale peine des gros, histoire de fou, elle est faire faire au point. J'ai jamais fuité, moi, elle n'a jamais fauté. J'suis de ceux qui montent au front, qu'aime se frotter, se faire éclater. Ma tension, j'en ai éclaté, la squale en toute humilité. La squale pour la 20ème, guette le parcours d'Ara dans le four. C'est bien moi qui rend fou le rap, ça y est, c'est bon, j'entends la trace. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur le du risque, gros. La squale, amour du risque. La squale pour la 20ème, guette le parcours d'Ara dans le four. C'est bien moi qui rend fou le rap, ça y est, c'est bon, j'entends la trace. C'était pas triste, c'était la street, c'était la squale sur le du risque, gros. La squale, amour du risque. C'est pas triste, la street, rien du repos, j'ai frite mon shit. En garde à ça, chuchote, ça jette le détail dans les shots. Guette-toi, c'est fiottes dans l'audition qui prennent la mort pour un con. Connard, j'ai tout baisé, ouais, ben des ronds, on va se venger. Des vainqueurs, pas des vaincus. La squale, plus le vrai vécu. Mon cœur te parle, il s'emballe, sans bluff et sans banane. Pourtant, la squale vient de la banane, c'est le côté S de la capitale. On est à l'ouest du 16ème à 10 minutes des quêtes. Mais le scénar n'est pas le même ici, maman, 5 enfants. Maman, 5 enfants, à ce bas, seul gros, tu m'entends. La seule qui t'attend pas, elle est prête à tout pour un câlin. Car tu finis au cachot, t'es sur le carreau, il gâche ta vie. Vive-moi la sortie de Zozo, que la squale pète la clico, j'irai chercher en bolide. Au fait, j'ai même pas le permis, mais je me permets d'arracher. Des boîtes, l'orage me fait flasher, je suis soufflé, j'ai pas d'attache. La 20ème, c'est pour maman. La squale pour la 20ème, guette le parcours d'Ara dans le four. C'est bien moi qui rend fou le rap, ça y est, c'est bon, j'entends la trace. C'est pas triste, c'est la street, c'était la squale sur du risque, gros. La squale, amour du risque. La squale pour la 20ème, guette le parcours d'Ara dans le four. C'est bien moi qui rend fou le rap, ça y est, c'est bon, j'entends la trace. C'est pas triste, c'est la street, c'était la squale sur du risque, gros. La squale, amour du risque.